Thank you. a hand. Like the media. I want to wander into pieces or more. Faintly glimmering, fading face, been only more or less. God, if ever there was one, je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à dans toute la ville, on m'a fait mondial de l'amour. Moi, je chante pour ce qui aime et je serai toujours là. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, viens vous le rendre. Pas de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses car maintenant le bonheur n'est plus avant, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Soyez comme vous m'aimez, restez toujours les hommes extraordinaires, ces mendiants.